Je t'aime un coup de vent. Ce soir je veux la faire danser. Lui voler me sourire. C'est pas tes jeunes ni mauvais temps qui j'en t'ai fait aimer soleil. À part parce qu'elle l'a la foi qui bat l'espoir, la vie qui bat plaisir, pas dit jamais au grand jamais, poupée que j'en aimais. Salut.